silence, nos souffrances, chagrin immense, amour intense, anti-romance, pendant vacances, nous pas ni chance, moins importance. Petit goût de l'eau salée, coulé en coin asie, pas ni force pour parler. Gorge moins serré, moi vraiment désolé, mais pas face à nous vler, obligé aller, aller, aller en l'autre côté. Imaginez, ça peut bien faire, j'en ai l'odeur.